Marville, Marvi mec, Marignan, mon style, Nord, 2006. J'ai venu poser mes bombes, rien à foutre de vos histoires. Pareil pour parler de ma ville, pour te donner le score. Je me souviens ça, traîner à la crèche, ça, teaser à la fraîche, Heineken, pétage à brèche. On était morts nous, voyez les grands, ils avaient trop la cote. Soulever des mises qui nous mettaient la colle. Puis on a grandi, et vite évolué. Et ma première charge, j'ai voulu lui fourrer ma langue dans la colle. Petit gay, gros agué, j'avais les idées déplacées. J'suivais les conseils des grands du quartier. On était 3-4 amis, non pas plus. Y'avait tonton Samy pour nous redresser, trop dans la pluie. Pour moi, l'école avait un goût amer. Nos professeurs, c'était pas trop pour Ayam ou le nez de ta mère. Ça dégénère quand le son me fait tourner la tête. J'fumais des gros joints dans les toilettes, j'voulais écrire des textes. Y'avait Jamel et mon pote Alex. C'était les potes des boss et ça courait vite comme Speedy Gonzalez. Ma mère déçue car l'école n'a plus voulu me voir. Chaque soir, Stone collé comme un deux feuilles au trottoir. J'marquais des buts, j'étais pas trop mauvais au ballon. Plus d'études, un éducateur collé sous mes talons. Des limineurs, petite cavale, tribunal, vandal, crime, aka, non, petit sur le taron. Ma ville apporte ma vie, peu importe qu'elle soit trash, je l'adore, je l'écris, je la rime. Je vise la porte de sortie, mais j'suis comme un aimant, mère. Marignan, mon style. Ma ville apporte ma vie, peu importe qu'elle soit trash, je l'adore, je l'écris, je la rime. Je vise la porte de sortie, mais j'suis comme un aimant, mère. Marignan, mon style. L'équipe n'arrêtera pas de s'agrandir. Posé dans le bloc en fumette, au cas où tu n'aurais pas senti. On jouait les bandits, rien à foutre sur la caisse du boulanger. On s'en tira avec des broutilles. La bonne sale époque, toujours pareil pour la suite. On était dans le sale état, je me rappelle ma première cuite. Un spirit inspiré par les petits culs du lycée. Ça sifflait, ça squattait, ça pensait qu'à niquer. C'était l'été qu'on attendait, nous. Les matchs improvisés, Navarro, impossible à tempérer. Ça brillait, ça jonglait pendant des heures. Allait pas se prendre de petits ponts, ça chambrait pendant des mois au compteur. Y'avait la cave en ménager du petit stick. Le soir, la play, hey, ISS, résistible. Ça continue à calciner, ça charbonne, ça fume tout le bénéfice. Pour moi, le pétard n'est plus très drôle. J'ai ressenti sa putain d'indépendance. Trop difficile d'arrêter, c'était hardcore. Petit ton pas dedans, j'ai repris go sport. Pour le ballon, j'avais plus le temps et plus la forme. Donc c'est dans la force que je me donne. Puis j'ai connu une pute, elle m'a éloigné de tout ça. Mais je regrette pour des coups de ticket, j'suis devenu dingue. J'en ai appris pas mal, je reste de marbre comme mon père. Elle en sait pas rare, ma vie, j'en ai pas marre. Ma ville apporte ma vie, peu importe qu'elle soit trash, je l'adore, je l'écris, je la rime. Je vise la porte de sortie, mais j'suis comme un aimant, mère. Marignan, mon style. Ma ville apporte ma vie, peu importe qu'elle soit trash, je l'adore, je l'écris, je la rime. Je vise la porte de sortie, mais j'suis comme un aimant, mère. Marignan, mon style. Avis aux amateurs, malgré les hématomes, toujours là, les deux pieds sur terre, avec ma biche là-dedans. Puis j'me rappelle, y'avait Temen et mon photo serre, DJJ. Mon daron à lui n'était pas trop d'accord. C'était l'équipe, fusil à pompe planquée dans la gorge. On voulait le titre, mais les week-ends ralentissaient l'album. C'était fashion, une capote et une chaîne. Motivé, mais trop jeune, en 2006, on a changé la chaîne. Dans le quartier, y'a plus trop de monde, c'est trop mort. Maintenant, j'vais me faire un nom, ferme ta gueule, mec, ici c'est énorme. Ça prépare des streets, des albums. Si j't'intrigue, j'suis dans le rap depuis 97, ma conne. N'oublie pas, j'suis pas aussi seul que tu crois. Va voir mon poteau Jeannot, demande ce qui se passe sous son toit. À la chaîne, un travail de chinois, escamesse derrière les manettes. Et j'm'en souviendrai, crois-moi. J'suis têtu, mais rien à foutre de faire des tubes. Indépendant, j'suis de ces types qui préfèrent les classiques. Devant un mic, j'manque pas d'air, viens me tester. Tu ressentiras l'odeur de ce qui se passe par terre. J'me lève très tôt, j'ai compris que je perdais trop mon temps. Plus rien ne m'étonne, plus d'amour, j'ai tout donné au son. Puis j'ai vidé mon compte dans les mouettes, les chandons. Et j'ai compris que de nos jours, fallait être le patron. Ma ville apporte ma vie, peu importe qu'elle soit trash, je l'adore, je l'écris, je la rime. Je vise la porte de sortie, mais j'suis comme un aimant, mère. Marignan, mon style. Ma ville apporte ma vie, peu importe qu'elle soit trash, je l'adore, je l'écris, je la rime. Je vise la porte de sortie, mais j'suis comme un aimant, mère. Marignan, mon style. Marignan, mon style. Marignan, mon style. Non, ha ha. Marignan, mon style. Tu le sais.